Troisième fragment enregistré dans la cour Saint-Laurent, Saint-Lô 3. Une série d'événements sonores permet d'entendre le son propre de la cour et d'en évoquer la vie sociale. Je vais faire un peu de temps en temps, c'est tout, je vais pas faire un peu de temps.